Bienvenue à cette conférence ayant pour titre, La conscience avant la naissance. Donc, je représente Charles Villeneuve, homme d'affaires. Je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lassert, policier et homme d'affaires. Et le conférencier, ouais, on peut même laisser se présenter pour une fois. Oui, c'est ça, ouais, tiens, venez dans vos micros un peu, on va vous entendre. Parce que je télépathe avec le preneur de son, et puis là, il aimerait que M. Martel ajuste son micro en arrière de sa bouche. Voilà. Ah, il aimerait que tu lui donnes 5$. Ah. Et puis maintenant, il part. Non, ça va pas faire pour ça. Donc, la conscience avant la naissance. La question qui venait, c'est êtes-vous né? C'est une bonne question. Est-ce qu'on est de la conscience avant la naissance ou est-ce qu'on a de la conscience avant la naissance? Bon, on n'a pas de conscience avant la naissance. Donc, nous sommes de la conscience? Et nous ne sommes pas de la conscience avant la naissance. Est-ce que nous sommes, point? Oh, ça, c'est intéressant. Point. Ou est-ce que nous sommes? Retenir, point. Est-ce que nous sommes sans le point? Non. C'est faux de dire nous sommes et c'est faux de dire que nous ne sommes pas. Et on parle de conscience présentement. Donc, c'est évident qu'il va falloir que vous ayez certaines questions. Élucider le mystère. L'être humain avant la naissance n'est pas de la conscience et n'a pas de conscience. Est-ce qu'on est une forme d'énergie quelconque qui est différente de la conscience? Oui, on est une forme d'énergie quelconque. Très quelconque. C'est ça. Mais l'être humain avant de naître, il n'existe pas. Il n'est pas là. Non, l'être humain avant de naître n'existe pas. Et voyez-vous, c'est que ma pensée est extrêmement ajustée présentement. L'être humain, c'est un corps de chair. Donc, avant la naissance, on n'en avait pas. Fait qu'en partant, l'être humain n'existe pas avant la naissance. L'être humain, c'est un corps vital, c'est un corps astral, c'est un corps mental. Et quelque part là-dedans, il y a de la conscience. Par la suite, à travers la conscientisation, il y a juxtaposition d'un corps supramental, ce qui se fait présentement vers la fin du 20e siècle. Si, par exemple, bon, il y a des humains, là. Par exemple, il n'y a plus d'humains, mais toute la mécanique qui se passe sans les humains pour que ça devienne des humains ou une conscience, bon, les humains ne sont plus là, mais ça existe encore. C'est quoi qu'il y a? De la vapeur. Une énergie quelconque. Elle a une intentionnalité, cette énergie-là. Elle va quelque part, elle est là, non. Elle existe. Elle n'existe pas. Non. Bon, c'est une question de mots, là. On essaie de trouver des mots pour, oui, exactement. Pour paramétrer quelque chose. Je veux déspiritualiser un peu la vision qu'on a de la conscience avant la naissance. On a vu que la conscience, c'est la capacité d'observation de l'évolution. Bon, j'ai une question. J'ai une réponse. Est-ce que la conscience était là avant l'humain ou est-ce que l'humain était là avant la conscience? La conscience n'était pas là avant l'humain et l'humain, lui, était là avant la conscience. Donc, la conscience s'est présentée, ça s'est formé suite à l'apparition de l'humain. Ça veut dire que c'est une friction. Il y a une friction qui a fait qu'il y a une conscience qui peut observer quelque chose qui se passe. Il n'y a pas de conscience sans être humain. Alors, il y a une mutation, il y a une évolution physique, une mutation physique, puis à ce moment-là, plus la mutation avance, une évolution, la conscience s'allume, se présente finalement. Oui. Mais tu as dit, il n'y a pas de conscience avant l'être humain, ça veut dire, est-ce que c'est l'être humain qui amène quelque chose? Ou il y a quelque chose avant qui ne s'appelle pas de la conscience, mais qui permet à l'humain d'être non. Créé? Non. Oh, tu reviens à la même chose. Qu'on l'appelle autre chose que de la conscience, tu aimerais bien qu'il y ait de la conscience avant la naissance. Non, bien, on peut l'appeler autrement. Là, oui, mais ça revient que le autrement est faux aussi. Même si on appelle, même si un mensonge, on le rebaptise d'un autre nom, ça reste un mensonge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience existe uniquement s'il y a l'homme, la femme ou l'enfant, donc s'il y a l'être humain. Et la conscience, c'est une mécanique qui n'existait pas collectivement à l'époque d'Abraham. C'est quelque chose qui n'existait pas collectivement à l'époque du Nazaréen. C'est quelque chose qui n'existait pas collectivement à l'époque de Gandhi. La conscience, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus présente. Elle était présente à l'époque du Nazaréen, à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, à l'époque de d'autres. mais elle était présente dans ces personnages-là ou dans certains personnages, soit des Melchizedek, des catalyseurs d'évolution, soit dans certains avatars de d'autres ethnies. Ça peut être Siddhartha Gautama, ça peut être Lao Tzu, etc. Mais la conscience, c'est quelque chose, et c'est pourquoi la conférence va être très intéressante, peut-être un peu bouleversante, disons, va être boule intéressante, parce que l'être humain est chapeauté par une vision mémorielle médiocratique, c'est-à-dire qu'il, c'est la médiocratie qui gère, qui dirige son ego. La médiocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir d'être médiocre qui dirige. Hein? On a la démocratie, le pouvoir du peuple, là, c'est la médiocratie. Mais ça, c'est parce que c'est collectif. Non, parce que, on pourra y revenir à un moment donné, mais parce que l'homme, dès le départ, dans ce qui a géré son expansion évolutionnaire, son évolution, ce qui a créé son âme, son corps astral et ces choses-là, ont été investis d'engrammes, c'est-à-dire c'est assujetti à des vieux archétypes qui font penser, qui font en sorte que l'homme pense sans arrêt, premièrement qu'il est déchu, qu'il a fait une chute, qu'il est une étincelle d'un dieu. Évidemment, de temps en temps, certaines personnes vont dire « on est un dieu en potentiel », mais « en potentiel » veut dire encore une fois qu'on ne l'est pas, donc on reste aussi médiocre. L'être humain de base a une grande difficulté à supporter ce qu'il est. Donc, si je demande à une personne, on fait juste donner des compliments aux gens, puis les gens ont des problèmes avec ça. Puis on ne leur dit pas les gros compliments, on peut leur dire aujourd'hui, tiens, tu es bien habillé aujourd'hui, ou encore tu es joli aujourd'hui. Ce que tu as fait là, c'est bien, ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant, c'est génial. Et là, les personnes sont toutes, ils cherchent du maquillage sanguin, ils rougissent toutes, puis bon. L'être humain, bon, au départ, la conscience n'existe pas sans vous. Mais là, évidemment, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'avant ma naissance, ce que je suis comme conscience n'était pas là. Et pour être capable de supporter cela, il faut être capable de supporter ce que nous sommes. Donc, il faut cesser d'être un peu médiocre. Je suis un dieu. La majorité des divinités, des dieux, ont été créés par l'homme et ils ont été créés à la ressemblance de l'homme. Et au fur et à mesure que l'être humain a évolué, les dieux des religions ont évolué. Puis quand un dieu religieux n'était plus capable d'évoluer, bien, il mourait. Donc, les religions se tombaient simplement. Et puis, de nouvelles religions naissaient. La conscience avant la naissance, c'est quelque chose de fictif. Ça remet en question la réincarnation. Ça remet en question plein de choses. Mais là, tu parles de la conscience de l'ego, là. Pardon? Tu parles de la conscience de l'ego. Non, tu parles de la conscience de l'ego. Je parle de la conscience dans l'homme. Maintenant, si on parle de la conscience de l'ego, donc si on parle de l'expérience de la conscience, donc si on parle de la mémoire de la conscience, donc, si on parle de l'âme, ce n'est pas de la conscience. L'âme, c'est le seul véhicule humain qui n'évolue pas, ne change pas. L'âme, ça apprend des choses. Ça expérimente sans arrêt, ça se casse le nez, ça apprend par essai et erreur et ça devient sage. Ça apprend. Maintenant, si on parle de l'expérience de la conscience, ce qui va créer l'âme, il y a une différence entre la photographie de la conscience et la conscience. Il y a une différence entre la mémoire du modèle et le modèle. Alors, la conscience, on en a. Mais l'âme mémorise la conscience qui nous habite, donc l'âme mémorise notre présence dans le corps physique. Et ça va créer de l'expérience de conscience, donc de la mémoire de conscience, donc de l'âme. Et l'âme gagne le monde des morts. Donc, l'âme gagne le monde astral, le ciel. Et à un moment donné, il y aura réincarnation de l'âme. Là, on pourra parler de conscience avant la naissance, à la condition qu'on s'entende pour bien comprendre que cette conscience-là avant la naissance est de la mémoire de conscience. C'est ça qui se réincarne. La conscience ne se réincarne jamais. Elle ne s'incarne même pas. Elle est là. Même, on peut dire. Toi, t'es un ancien spiritualiste. Elle est là. Et voilà. La conscience, c'est un événement qui se vit au moment où ça se passe. C'est une conscience, c'est un événement. Non. Et la mémoire de l'événement, c'est ce qu'on ramène d'une fois à l'autre? Ou l'expérience de cet événement-là? Bon, dans ce sens-là, oui, mais disons que la conscience, c'est pas un événement. La conscience, c'est l'observation par une intelligence d'un événement. Et cette observation-là engendre une vibration parce que l'intelligence est en connexion, en contact avec un véhicule planétaire. Ça engendre une corrélation, donc une interaction avec le véhicule planétaire. Et cette interaction-là va être une expérience de la conscience vécu par le corps, par les corps planétaires, les corps inférieurs, et là, ça sera mémorisé par l'âme. C'est compliqué en maudit, hein, la conscience? Est-ce que tu regrettes-tu d'avoir... Des questions qu'il ne faudrait pas poser. Donc, si on n'était pas, on n'était définitivement pas, donc, de la conscience avant de naître. Au mieux, on était une mémoire d'un événement qui nous pas a donné mieux, la conscience. C'est ce que tu étais. Dans le mieux, c'est ça. Au mieux, spirituellement, de ce qu'on aurait voulu être. OK, je vais parler pour moi, là. J'aurais aimé ça avoir été de la conscience avant. Mais on était quoi si on n'était pas de la conscience? Est-ce qu'on était de l'intelligence? Tu vas me dire qu'on va appeler ça un autre nom. C'est pas ça que je veux. Je veux pas appeler ça un autre nom. Je veux savoir vraiment ce qu'on était avant. Je comprends, j'avais compris. Non, on n'était pas de l'intelligence avant la naissance. C'est quoi l'immortalité de la conscience, d'abord? Si on est immortel, immortel, bon, l'immortalité, on est immortel dans quoi? L'immortalité de la conscience, elle n'existe pas non plus. Là, je t'efface à écouter ta cassette. Bon. Là, je ne joue pas au jeu de devinette. Ce que je veux qu'on fasse, il faut absolument que tout le monde arrive à se brancher quelque part sur une certaine forme de longueur d'onde à travers la recherche. Donc, tu poses une question, puis on s'en va comme ça, je ne réponds pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais expliquer, puis on va tout comprendre plus facilement. Tandis que si j'explique maintenant, ça va être du « tabarnouche ». On va tout acheter 3-4 cassettes pour les écouter. Au ralenti. Alors, tu n'étais pas de l'intelligence avant la naissance. Tu n'étais pas de la conscience avant la naissance. L'idée qu'on était quelque chose avant, là, c'est pour l'ego, parce qu'on n'était rien finalement. On n'a jamais rien été non, avant. Rien, c'est quelque chose. On était... On n'était pas. Posons-nous une question. Non, mais rien, c'était quelque chose. Rien, c'est pas quelque chose. Mais rien qui s'est réincarné. Ça dépend des points de vue. Il y en a du monde qui leur reste 1000 piastres à la banque qui disent « il me reste plus rien ». Ah, c'est rien. C'est un mot dangereux, rien. Ou quand tu rends service à quelqu'un et qu'il dit « non, c'est rien ». Mais... C'est ça, pas vraiment rien. Rien, ça peut prendre beaucoup d'espace, rien. Mais moi, je parle du rien. Du moins qu'à rien. Mais on n'était pas rien non plus. On n'était pas là. On n'était pas rien. On n'existait pas. Non plus. Tu dis ce qu'il faut. Tu comprends pas encore, mais ce que tu dis, c'est ça. Tu me dis que c'est pas ça. La grosse question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi... Parce que souvent, on parle de réincarnation. La réincarnation, c'est un peu différent de la résurrection, évidemment. La résurrection, c'est ressusciter, c'est-à-dire susciter une deuxième fois, ou une xième fois, un corps de chair. La résurrection des morts, c'est les morts, les corps qui reviennent. Et la résurrection se fait sans arrêt à travers le legs génétique. Parce que quand ton corps va mourir, ben tes enfants ont ta génétique, le corps est déjà ressuscité là, même avant que tu meurs. La réincarnation, c'est quelque chose qui était dans un corps, qui lors de la mort sort du corps mais ne disparaît pas, en théorie, et qui a la capacité de revenir dans un corps, donc de prendre corps, carné, en espagnol ça veut dire viande, donc de s'incarner, de revenir dans l'avion. J'ai étymologie. Bon, j'ai spiritualité. De revenir dans la chair. Voilà, c'est mieux. Je peux vous penser, moi, quand on voit un certain animal dans la cour, on dit c'est un cochon, puis quand on mange du porc, tu sais. En tout cas, c'est une spiritualisation des choses. Et si on a de la conscience avant la naissance, pourquoi si on se réincarne, on se rappelle de rien? C'est pas justement parce qu'on est mort en s'incarnant, en tant que quelque chose d'autre? Bon, là, tu te rapproches. Pourquoi l'être humain se rappelle de rien? Alors, il y a des théories scandaleuses qui disent que dans le monde astral, dans le monde de la mort, avant la naissance, on commence par voir toutes les conneries qu'on a faites. Alors, évidemment, ça dure 300-400 ans. Hein? Et puis, après ça, on se repose. Et puis, à un moment donné, eh bien là, on commence à préparer notre prochaine incarnation. C'est faux, mais c'est ce qu'on compte dans certains domaines de l'astral. Et là, on choisit ses parents, on choisit ses amis, une partie de sa vie, on choisit ses épreuves. Et puis après ça, on s'incarne. Mais là, évidemment, vu qu'on a choisi nos amis, nos épreuves et tout ça, c'est qu'on connaît toutes les réponses. Alors, pour vivre notre vie, en s'incarnant, on oublie tout. J'ai dû être en état d'ébriété bien avancé, moi, quand j'ai choisi. Mais ce qui est comique là-dedans, c'est que si vous, avant votre incarnation, vous vous dites, tiens, je vais apprendre l'humilité et je vais me vivre, me faire vivre ceci, cela, cela, cela. Si vous êtes capable déjà de préparer l'examen, c'est que vous connaissez les réponses. Si vous connaissez les réponses, qu'avez-vous alors d'aller l'apprendre sur la planète? Et l'homme va dire, oui, mais vu que je connais les réponses, c'est pour ça qu'on oublie. Ah, c'est brillant, ça, c'est brillant. Moi, je suis professeur de mathématiques, je fais les examens complets, là. Là, je m'en vais me droguer, j'oublie tout au complet, là, j'ai passé les examens, je viens apprendre, je souffre, puis quand je réussis, j'ai réussi. Mais quoi, rien de plus, apparemment, je le savais déjà au départ. C'est pas ça qui se passe. L'autre chose, c'est que si je choisis mes parents, bien, si mes parents, dans leur incarnation, ont choisi leurs enfants, il faudrait qu'on choisisse la même chose, hein? Bon, j'ai choisi mes amis, mais eux, il fallait qu'ils me choisissent aussi dans leur incarnation. J'étais même, j'étais déjà pas là. Alors, c'est pas ça qui se passe. Bon, c'est pas ça qui se passe. Dans le monde astral, l'être humain, avant de s'incarner, il choisit rien. Et c'est pourquoi, justement, tu n'étais pas en état d'ébriété, mais c'est pourquoi tu passes ta vie à essayer de te transformer. De fuir, finalement, ce que tu découvres. Hein? Et c'est la majorité, c'est ce qui arrive. On n'a jamais le bouton en bonne place, on n'a pas le nez la bonne grandeur, on n'est pas le bon sexe, on n'a pas la bonne... On n'a pas les jambes assez longues ou les jambes assez trop courtes, alors que la meilleure grandeur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent à terre. Mais on va fuir, on va fuir. On va fuir autre chose dans la mesure où ce qu'on peut comparer avec quelque chose d'autre qu'on connaît, mais dans ce cas-là, on connaît rien de ce qui... On savait pas ce qui... On n'a rien préparé, fait qu'on peut pas fuir ce qui s'en vient. On fuit ce qui arrive, on fuit pas ce qui s'en vient. Au fur et à mesure que ça se passe. Je comprends pas pourquoi qu'on fuirait ce qui arrive. L'homme est un être complexe. Il fuit même s'il n'y a rien à fuir. Il fuit. Mais grosso modo, l'être humain fuit la souffrance et recherche le plaisir. Grosso modo. C'est ce qui lui botte les fesses. La peur va le freiner parce que la fuite de la douleur et de la souffrance, c'est un bon propulseur. La peur va le freiner un peu et il recherche le plaisir. Il recherche la stabilité. Et c'est pourquoi, quand une religion va dire, si vous embarquez avec moi, vous n'aurez plus jamais de questions à vous poser. Alors l'être humain, recherchant la stabilité, va être d'accord pour aller quelque part, il n'y aura plus de questions. Mais parce que l'être humain est autre chose qu'un être évolutif, c'est un être conscientiatif, donc qui se conscientise, qui génère de la conscience, il vient toujours à un moment donné où il se fait ramasser par la conscientisation, les questions recommencent, les choses recommencent, puis sa religion ne le fait plus. Ah, mais c'est bien correct, ça, de ne pas vouloir souffrir. Non. Mais c'est ça, c'est parce que, comme tu dis ça, là, c'est comme s'il y a un problème à vouloir la stabilité, à vouloir être heureux, à vouloir fuir le malheur. Du point de vue de la conscience. Oui. Du point de vue de la conscience, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, premièrement, c'est que c'est intelligent de ne pas souffrir. C'est un fait. Sauf que tant que l'être humain avance de façon méritoire, tant que l'être humain ne s'aime pas, tant que l'être humain n'est pas capable d'avoir une opinion ferme de lui-même, tant que l'être humain est assujetti à l'opinion des autres, pour savoir ce qu'il est, t'es bien laid, hein? Mais c'est plus lui, tu perds plus. Tant que l'être humain n'est pas centré dans son intelligence, si l'être humain devient stable au niveau de sa conscience astrale, donc de l'expérience de la conscience, ça veut dire que l'humain ne génère plus de conscience. Quand un être humain est totalement stable au niveau de sa psychologie, au niveau de son cœur, au niveau de sa spiritualité, c'est qu'il ne génère plus de conscience. Le neuf, le nouveau, ne pénètre plus chez lui. Mais tant qu'il y a du neuf qui pénètre chez l'homme, ça vient toujours perturber les formes, donc ça vient déstabiliser la psychologie, le corps astral, l'âme et ces choses-là, parce qu'il y a des centres de la conscience. Maintenant, à un moment donné, si l'homme, la femme, l'enfant va parvenir à cet état de choses, où il va cesser de lutter, de résister contre ce qu'il est. Et ce qu'il est très intuitif et très instantané, donc ça change quotidiennement. Mais ça change aux minutes, aux secondes. Quand l'être humain va cesser de résister à ce qu'il est, automatiquement, il ne souffrira plus d'avoir de la conscience et d'expandre sa conscience. Donc, tant que l'être humain n'est pas centré, c'est préférable que l'humain souffre. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'humain, en temps de paix, recherche la guerre. Puis en temps de guerre, recherche la paix. Trop de guerre, ça devient stable. Et c'est pourquoi l'humain est toujours dans une vie sinusoïdale où c'est heureux, malheureux, heureux, malheureux, heureux, malheureux. Cet état-là, on y arrive uniquement, on n'a pas le choix en passant par la vie, puis les souffrances, puis essayer de... Bon, ça, le choix, l'homme n'a pas le choix de toute façon, mais à un moment donné... Mais je veux dire, ça aboutit à ça. Oui. Finalement, le seul moyen de se centrer, c'est à force d'être assez écœuré, de ne pas être centré, on finit par se centrer. On finit par se centrer quand on est écœuré d'être écœuré. Là, on se centre. Donc, avant la naissance... Est-ce qu'on se... Ouais. Oui. On se fait centrer. Oui. Mais... C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Voyez-vous, on nous force à devenir heureux. Mm. Allez, salaud. J'aimerais bien mieux être heureux moi-même, seul. Oui, mais... Dans l'humain, fait un choix, faire des petits bouts. Mais le on, là, c'est qui, ça, le on? Le on, c'est personne. Oui, OK. C'est une mécanique ou... Oui, le on, c'est l'astral, c'est de la mémoire, c'est personne. C'est comme quand on dit... Disons, le on, c'est la nature humaine. Bon. On décide, quelque part dans la nature, que les pissenlits vont pousser là. C'est qui ça, on? Ben, on, c'est les conditions du sol. Il faut qu'il y ait évidemment de la semence de pissenlits avant. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il n'y a pas d'on. C'est une mécanique. Mais la mécanique est devenue tellement complexe qu'on finit par penser qu'il y a une entité qui est intelligente. Qui dirige. Qui dirige. Alors souvent, on a parlé de la mère, la nature. Mère nature veut pas, mère nature veut. Écoute, arrose, puis change les cossins, mère nature n'aura pas le choix, ça va pousser pareil. Bon. Mais parce que le contexte est compliqué, trop compliqué pour le système cérébral de l'homme, on va spiritualiser la chose et on va donc en faire une entité. Au niveau du monde astral, c'est la même chose. Qui manipule l'homme? Qui dirige l'homme? Qui fait ci, qui fait ça? C'est un contexte qui est énorme. Et parce qu'il est énorme, l'humain finit par penser qu'il y a une intentionnalité sous-jacente à ça, alors que l'intentionnalité n'est pas dans le contexte planétaire, elle est bien au-delà de la création. Ce qu'on est avant de s'incarner, ce qu'on n'est pas avant de s'incarner, c'est en dehors de tout ça. Quand on voit dans un enseignement ésotérique, tu as le cycle de l'astral mental supérieur et tout ça, c'est au-delà de ça, ça veut dire. Bon, le mental supérieur, le supramental, c'est la même chose. Placé au niveau étymologique, les deux termes sont très bons. Voyez-vous, vous vous rappelez de certaines choses quand vous venez au monde. Vous vous rappelez comment têter, vous vous rappelez comment brailler, vous vous rappelez comment remplir les couches. Non, mais c'est pas nécessairement de la mémoire, ça. Oui, c'est de la mémoire. C'est le corps, non, mais genre, c'est le corps qui fait ça. Ça fait ce qu'on appelle de l'instinct. Oui, mais c'est l'instinct, c'est de la mémoire. Donc, c'est ça. Mais c'est peut-être pas de l'instinct. C'est peut-être... L'instinct, c'est peut-être pas de l'instinct. C'est peut-être par goût. Non, mais ça peut être une manipulation, comme on parle de honte, de la nature et tout ça. C'est, exact, c'est de la mémoire. Une conséquence, ça oui, arrive. C'est une conséquence mémorielle. C'est sûr que c'est pas de mémoire psychologique, c'est de mémoire physique. Mais c'est de mémoire quand même. Vous vous rappelez comment grandir, vous vous rappelez que le petit doigt doit pousser au même rythme que le grand, que les os doivent pousser en même temps que la peau et que les muscles. Imaginez si un os pousse avant tout le monde. Hein? On se rappelle. Non, c'est vrai, c'est un miracle total. Vous savez, vous êtes un petit bébé, vous mangez, on vous nourrit, vous grandissez, ça ne se fait pas. Ah, la science, elle décrit, mais elle n'explique pas, elle décrit. On peut rajeunir autant qu'on peut vieillir. Mais parce qu'on voit le vieillissement sans arrêt, on finit par adopter le miracle comme un fait scientifique. Mais ça n'a pas de maudit bon sens. On prend une cellule, un spermatozoïde, une ovule, paf. Et à un moment donné, il y en a là-dedans qui décident que, tu sais, moi, t'es un œil, moi, t'es un système de style, tu sais, moi, je vais marcher. Moi, je vais être la main, moi, je vais. Oui, c'est certain. OK, alors ça, c'est de la mémoire. C'est la mémoire, c'est le code génétique oui. Dans la matière. Maintenant, il y a de la mémoire au niveau vital qui va permettre l'expansion du corps physique, donc la croissance. Il y a de la mémoire astrale qui va faire en sorte que vous avez astralement, progressivement, là, il n'y aura réincarnation, mais les mémoires réincarnationnelles, ce qui va former votre âme, premièrement, l'âme est formée par le contact spermatozoïdal-ovule, c'est une âme de bébé. C'est une âme, disons, de spermatozoïde-ovule. Pas grand-chose, mais bon. Mais progressivement, au fur et à mesure qu'il y aura pluralisation cellulaire, il va y avoir augmentation du corps physique. Il va donc y avoir augmentation de l'énergie vitale qui, elle, va maintenir l'âme. Donc, augmentation du véhicule astral, du véhicule amique, et de plus en plus des réincarnations qui rentrent là-dedans. Les réincarnations qui vont rentrer quand vous avez un an sont des réincarnations de mémoire de l'être humain d'un an. À 2 ans, ce qui se réincarne, réincarnation de l'être humain de 2 ans. À 12 ans, être humain de 12 ans, puis à 25 ans, être humain de 25 ans. La réincarnation se fait 24 heures sur 24, 365 jours et, bon, écoute par année. C'est sans arrêt. Et c'est pourquoi l'être humain, sans arrêt, est investi de nouvelles idées, de nouveaux talents. Ah, tiens, je me suis découvert un nouveau talent. Je ne savais pas que j'avais ça, tu ne l'avais pas non plus. Et puis, l'humain, à un moment donné, se lève un matin, puis là, il est bizarre, puis là, il ne se reconnaît plus, puis c'est sûr, il vient de ramasser un gros morceau, et c'est sans arrêt. Bon. Ça, c'est la réincarnation. La réincarnation, elle se fait sans arrêt tout au long de la vie de l'être humain. Mais pas avant la vie. C'est du moment qu'il y a un corps physique, à un moment donné, là, ça attire toutes sortes de mémoires qui sont la réincarnation. En fonction du corps physique. On te coupe les deux jambes, on te met dans un fauteuil roulant, puis dans 5 ans, ça va réincarner un paquet de mémoires d'handicapés au niveau des jambes. Alors, encore là une fois, il n'y a rien, il n'y a personne, mais c'est il n'y a rien qui décide quoi que ce soit là, dans la réincarnation. Le pissenlit ne décide pas d'aller chercher du fer. Sa génétique, son corps vital, sa mémoire fait que quand il y a des molécules de fer qui passent par là, il les ramasse. D'autres plantes les ramasseront. Puis la réincarnation non plus ne décide pas d'aller dans tel corps. Non, et c'est pourquoi on se ramasse tout dans le corps qu'on n'aurait pas nécessairement voulu. On passe notre vie à essayer de lui faire des muscles, de le grandir, de le rétrécir. On passe notre vie à essayer de transformer le corps physique. C'est bien évident que, en tout cas, on est en état d'ébriété avancée, effectivement, si on n'a pas choisi notre corps. Donc, avant la naissance, grosso modo, on va immédiatement faire une séparation. Il y a, chez l'être humain, la mémoire de la conscience qui est à 99% exprimé. Quand l'humain dit « Hey, moi j'ai faim », ça c'est de la mémoire de la conscience. Le corps physique a transmis au cerveau que l'être humain avait faim, puis c'est mémorisé quelque part, ça s'en va au niveau de l'astral, puis l'autre qui pense que c'est lui. Moi là hier, j'ai dit « Bon, qui es-tu? Ah, moi je suis un ingénieur, bon, tout du passé, toute la mémoire. » 99% de ce qui est exprimé, et parce que c'est de l'expérience de conscience, l'astral se prend pour la conscience, et là on dit « Je suis » Je pense, donc je suis. Alors que pour penser, il faut nécessairement être dans la mémoire. Donc, si tu penses, t'es plus. T'étais. Mais quand est-ce que ça a été de... Tu dis que c'est de l'expérimentation de conscience. Oui. Quand est-ce que ça a été une expérimentation de conscience? Bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été de la conscience. Oui, la conscience, elle te joue autour de la tête sans arrêt. D'ailleurs, toi, ça joue pas mal. Et puis, tu peux rajouter rien. La conscience est là continuellement. À chaque heure, à chaque seconde de ta vie, de vos vies, vous savez que telle chose que vous faites, c'est pas ça. Que telle chose que vous ne faites pas, vous devriez le faire. Sans arrêt, on a de l'information. Elle rentre sans arrêt. Et elle se heurte à l'ego, elle se heurte à la mémoire de la conscience, puis à peine ça les touche. On mange quelque chose, puis on sait que c'est pas ça qu'on devrait manger. On sait, mais la majorité des personnes, ce qui va arriver, c'est que leur ego est tellement puissant. Ils savent que là, il ne faut pas qu'ils fassent telle chose, puis là, ils fuient ça. Là. Ils veulent pas. Et là, ils mangent ça bien vite. Et après ça, là, ils savent. Là, ils disent, mais je sais bien. Ils savaient. Bon. La conscience, elle est là sans arrêt. Est-ce qu'elle nous appartient, est-ce qu'elle nous est attribuée comme individu, la conscience, ou c'est la conscience ou ma conscience? Ou l'inconscience, dans mon cas? Il y a une deuxième partie, après une deuxième conférence qui va suivre celle-ci, une chance. Ça va aider à permettre de ramasser un peu les choses. Ta question. Est-ce que la conscience... Dis, la conscience me dit de ne pas manger, par exemple, le morceau de gâteau. Est-ce que c'est ma conscience ou la conscience? Ne te dit pas de ne pas manger de gâteau. L'intelligence ne te dit pas, je ne vais pas d'autres synonymes parce que je vais répéter sans arrêt. L'intelligence ne te dit pas de ne pas manger de gâteau. Qui me le dit? Personne. Tu le sais. Personne un jour là, va te présenter. La conscience essaie de diriger, de contrôler votre corps, vos corps, votre vie. La conscience essaie de forcer ton corps à manger ce qu'il a besoin. Ça crée une expérience au niveau de ton corps parce qu'il y a un contact. Et l'ego va s'accaparer de l'expérience et il va le recevoir comme un message. Et là, il va dire, la conscience ou X, Dieu, me dit de. Et là, c'est pourquoi on va dire, donc, c'est intentionnel. Donc, ça veut m'aider. Donc, ça me parle. Mais c'est pas ça. La conscience, c'est ce que vous êtes dans la réalité, pas dans la vérité. La vérité, c'est la coloration de la réalité. Et le mensonge, c'est la coloration de la vérité. Moi, je parle en réalité, tu es de la conscience. Mais en vérité, tu es de la conscience. Mais cette conscience-là, en vérité, c'est la conscience de ton ego. Et c'est la conscience amique, la conscience astrale, la conscience spirituelle qui fait en sorte que l'homme, la femme, l'enfant est toujours mal pris, toujours dans un contexte où il ne sait pas. Alors, on ne dit pas Charles, Pierre, Marie, fais ceci. Mais non, c'est qu'à un moment donné, la conscience, elle entre en contact avec le corps physique et elle a tendance à intuitionner quelque chose, un mouvement, à travers les véhicules planétaires et à t'amener faire quelque chose, à amener les corps, l'ego compris, donc toi. Mais là, ce qui arrive, c'est que nous, on a la conscience n'est pas encore maître contrôleur chez nous, au niveau des véhicules terrestres. Alors, on a l'expérience du contact, et l'expérience est reçue par l'ego comme un message. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va essayer par la suite, spirituellement, d'entrer en contact avec les dieux, avec les voies, avec le cosmos, avec les synonymes. On veut entrer en contact avec les synonymes de tous ces mots-là. Et là, on va prier. Et quand on essaie d'entrer en contact avec la conscience, de temps en temps, ça va fonctionner. Si vous priez convenablement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, les personnes vont joindre les mains, vont se mettre à genoux, etc. Mais à genoux, les pieds sont souvent collés, puis ça crée simplement un cercle vicieux au niveau énergétique, ce qui augmente la quantité d'énergie vitale disponible. Bon, alors, mais les gens ne savent pas pourquoi. Les gens le font par rituel, parce qu'ils pensent que Dieu veut qu'on colle les mains. Dieu veut pas. La conscience, un jour, pour que tu puisses entrer en contact avec elle, toi, pour que tes véhicules planétaires puissent entrer en contact avec toi, tu as forcé la collade des mains. Mais par l'ego, ça a été reçu comme un message de Dieu, un message du cosmos, un message des synonymes. Comme ça, il y a mieux ça. Pas ça l'idée. Et là, ce qui va arriver, c'est que quand tu, égoïquement, essaies d'entrer en contact avec toi, avec ce que l'humain appelle des dieux, on n'est pas des dieux potentiels, on est des dieux. On n'a pas le contrôle des véhicules planétaires. Grosse nuance. Alors, quand ton ego essaie d'entrer en contact avec ces véhicules-là, ce qui arrive de temps en temps, c'est que l'ego va se placer psycho-émotivement de façon à être subitement plus... il va libérer le corps, et là, ça va engendrer une mécanique qui fait que les véhicules planétaires sont subitement plus réceptifs à ton contact, donc au contact de la conscience. Et là, automatiquement, l'ego expérimentant le contact avec vous-même, avec la conscience, il en déduit qu'il en reçoit des messages. Et là, Dieu lui a répondu. Mais, on comprend plus la mécanique. Donc, en réalité, nous sommes de la conscience. Ah, oui. En réalité. Est-ce que cette conscience-là, avant la naissance de l'entité humaine qu'on est, l'âme, le corps physique, tout ça, est-ce qu'elle meurt temporairement, si on peut appeler ça comme ça, mourir ou en tout cas change de vibration pour vivre une expérience planétaire? Non. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel est l'intérêt pour la conscience de s'incarner ou de venir travailler autour d'un corps physique avec un âme? Aucun intérêt. L'utilité. Ah, c'est autre chose. Parce que la conscience n'a pas le choix. Donc, c'est pas une question d'intérêt. Quel est votre intérêt de manger, me nourrir? C'est faux. Même s'il n'y a plus d'intérêt, essaie de ne pas te nourrir. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu seras quand même bon. Avant la naissance, on va faire un petit résumé. Vous devenez, au fur et à mesure de l'évolution de votre vie, ce que vous croyez être aujourd'hui. Et ce que vous croyez être aujourd'hui, c'est la mémoire de l'expérience du contact entre des véhicules planétaires, corps mental, astral, vital et physique, et vous en tant que réalité. Et vous en tant que réalité, vous n'avez à peu près pas la possibilité de contacter le corps physique présentement, et les corps physiques évoluent génétiquement, deviennent de plus en plus solides. Il y a des choses que je vais passer, que j'explique plus au niveau du séminaire. Le corps physique, les corps principaux, les corps planétaires, doivent vivre des expériences pénibles dans le contexte planétaire pour renforcer de différentes façons les véhicules planétaires. Vous avez un contact avec les corps qui sont de plus en plus solides. ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de la race, ça ne dépend pas du sexe. Et parce que vous avez un contact avec les corps inférieurs, ça crée une expérience au niveau des corps inférieurs. Et dans cette expérience-là ici, parce que le contact n'est pas fort, il y a un véhicule qui était très intéressant qui s'appelle l'ego, qui est le foyer central de l'âme, qui lui va mémoriser, donc se rappeler, le corps physique se rappelle physiquement. Le corps vital se rappelle vitalement. Ça peut vous donner de l'énergie à un moment donné. Le corps astral se rappelle astralement, énergétiquement. Et c'est lui qui va le plus mémoriser l'expérience de votre contact avec vos véhicules planétaires. Vu qu'il mémorise, ça va être de la mémoire du contact. Parce qu'on n'a pas présentement suffisamment de contact avec les véhicules terrestres, c'est ce corps astral-là qui va régir la vie. Et c'est donc lui qui, progressivement, va se prendre pour la conscience. Et c'est lui qui, à un moment donné, va espérer être immortel. Et c'est lui qui, à un moment donné, espère que s'il meurt, il va rester ce qu'il est pour se réincarner. On va parler dans la prochaine conférence de la conscience après la mort. Des surprises là-dedans aussi. L'être humain est, planétairement, de l'expérience mémorisée de ce qu'il est dans la réalité. Alors, quand on chiale, c'est pas la conscience, c'est pas vous autres qui chialez, ça chiale. Quand vous êtes en colère, c'est pas vous autres qui êtes en colère. Et je dis souvent, même la pensée n'appartient pas à l'homme, la pensée, ça fait partie de la mémoire de la conscience, reliée à l'expérience planétaire des consciences expérimentées des autres. Quand vous voulez dormir et ça pense dans vos têtes, vous voulez arrêter de penser, vous n'êtes pas capable, c'est pas vous autres. Bon, c'est clair. Quand l'être humain... La pensée positive ou ces choses-là, la pensée positive, elle te permet de c'est une pathologie, c'est une maladie inverse du négativisme, mais c'est avoir une pensée réaliste, c'est intéressant. L'être humain a l'expérience de sa conscience, et tout au long de sa vie, par la suite, il va y aller. À un moment donné, il y a des personnes qui s'engueulent, après ça, ils disent à l'autre, écoute, c'est ce que je t'ai dit, là, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ma parole a dépassé ma pensée. C'est pas vrai. Sa parole a simplement dépassé sa conscience. Et qui parlait pendant que vous étiez en colère? Si vous n'étiez pas là. Effectivement, nous ne sommes pas le véhicule exprimé. Je ne suis pas de la colère, je ne suis pas de la peur, je ne suis pas de la maladie, je ne suis pas de la haine, je ne suis pas de la peur, de la lâcheté. Je ne suis pas ça. Par contre, les véhicules planétaires, le véhicule, le poste de radio sur la planète Terre qui a pour mandat de m'exprimer, on verra pourquoi, qui a le mandat de m'exprimer, ne travaille pas comme il faut. Il faut encore continuer à le tripoter. Dernièrement, les astronomes ont envoyé un télescope en orbite. Le télescope avait une défectuosité, il était myope. Alors, ils ont envoyé un immense télescope qui devait... le télescope, sa fonction était de voir dans le passé. Et les astronomes avaient hâte que le télescope soit placé par la NASA de façon à pouvoir voir dans le passé. Et leur idée était de voir qu'à 4 milliards, jusqu'à 4,5, 6 milliards d'années dans le passé. Alors, les astronomes voulaient, en remontant le faisceau de la lumière, essayer de voir à 4 milliards d'années-lumière de distance ce qui s'est donc passé, voilà 4 milliards d'années, pour essayer de comprendre la création. Leur télescope était mignon. Ça, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Nous sommes des corps, dans un contexte planétaire, on est tous myopes du point de vue énergétique. Qu'est-ce que la NASA a fait? Bon, ce qu'on commence par faire, c'est qu'avec des ordinateurs, on communique avec le télescope et on essaie de déplacer des choses dans le télescope. Une fois à terre, on va changer les choses aussi, puis les ordinateurs, maintenant le télescope est toujours aussi myope, mais les images sont maintenant beaucoup plus belles que ce qu'on a des télescopes terrestres. Alors, du sol, on va travailler pour régler, corriger, réparer à distance la bébite là-bas. Nous, c'est ce qu'on fait. Le corps, les corps physiques sur la planète Terre ne sont pas encore capables d'exprimer, donc, de nous recevoir totalement. Alors, nous communiquons avec ces corps-là, mais c'est très peu, ils ont de la difficulté à nous recevoir. On communique avec eux et lentement, on les transforme. Alors, on va les envoyer se frapper sur un mur, paf, il vient se passer quelque chose, bon, c'est pas ça qu'on voulait, paf, ça marche un peu plus, et puis là, ça se répare ici, puis là, il se passe ça là, puis il y a une crise dans l'ego, il y a une remise en question complète, et puis, etc., on essaie de se servir de tout ce qui se passe dans le contexte de la vie humaine pour arranger le corps physique de façon à faire en sorte qu'à un moment donné, pouf, il s'éveille. Dans quel but? La conscience, elle va faire quoi avec le corps physique quand il va être syntonisé au bon canal? je reviens sur le point important. Pour que le corps puisse s'éveiller à la conscience, l'être humain présentement doit être endormi. Mais là, la con... À quoi ça sert? Oui. Vas-y, moi je vais boire de l'eau. Ben, c'est compliqué. La conscience, tu dis la c'est la conscience qui pousse à réveiller finalement. La conscience ne pousse pas. La conscience ben, qui, travaille qui provoque... avec le corps planétaire de façon à faire en sorte que les corps deviennent des véhicules capables de recevoir la conscience. C'est ça. Mais tu dis afin que ça serait ça voit clair. Ou ça, afin que la conscience puisse être matérielle, vitale, astrale, mentale. Oui, mais c'est la conscience qui demande ça à quelque chose qu'elle n'est pas. Non, c'est la conscience qui communique avec les véhicules qu'elle a créés elle-même, de façon à les rendre fonctionnels pour être capable d'être solides, pour être capable de la recevoir. OK. Elle a créé quelque chose qui boite. Oui, le créateur de vos corps de chair, le créateur de la génétique humaine, là, c'est nous autres. Mais pas toi. Mais pourquoi toi, on va en faire quoi? Pourquoi la conscience a besoin d'un corps physique? Pourquoi la conscience a besoin d'un corps physique? Petite question. Grosse réponse. Bon, la réponse est facile à dire, mais c'est difficile à comprendre. On va essayer. On fait ressemblant. La conscience, c'est une mécanique. Bon, ce que je vais expliquer là, ce n'est pas de la réalité. C'est ajusté pour permettre aux compréhensions psychologiques de pouvoir gommer, pas comprendre. La conscience, parce que là, en posant la question, il faut qu'on parle de la conscience. La conscience est quelque chose qui... La conscience est quelque chose qui n'existe pas. Donc, des questions comme ça, là, c'est pas... Ça fait 3-4 heures qu'on parle de ça, mais... Un instant. La conscience, elle est là. Elle n'existe pas. Mais n'existe pas. Pour exister, il faut en avoir le temps. La conscience est une mécanique intemporelle. Ce n'est pas mortel, ce n'est pas immortel, c'est éternel. C'est au-dehors du temps. C'est intemporel. Vu que la conscience est en dehors du temps, elle n'existe pas dans un contexte où l'existence demande du temps. Si la matière n'a pas le temps d'exister, la matière n'est pas là. La conscience, donc, elle est là. Dans le sens absolu, mais c'est intemporel, ça n'existe pas. Bon, la conscience, elle, c'est... Parce que je vois la question qui va venir, mais je te laisse répondre. Pense pas trop vite. Pense. Temps de répondre. C'est parce que tu réponds trop vite. Oui, c'est ça. Mais écoute pas ce que je pense, écoute ce que je dis. Bon. Sans ça, on fait la conférence... Oui, non, oui, non. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas trop compliqué. La conscience, c'est le rôle fondamental de l'être humain. Mais quand je parle de l'être humain, je parle du corps, des quatre corps planétaires, du corps supramental, du corps de l'amour gratuit, qu'ésotériquement on appelle le plan bouddhique, et du corps de l'intentionnalité, qu'ésotériquement on appelle le corps divin. Bon. Le rôle fondamental de l'être humain, l'être cosmique, l'être absolu, c'est de résorber la création, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui fait office de création actuellement n'ait jamais existé quand on aura fini de travailler. Et quand je dis n'ait jamais existé, c'est parce qu'à un moment, l'être humain, on sait spirituellement que l'être humain, sa fonction, c'est de retourner vers le centre source, de retourner vers Dieu, de retourner vers le cosmos, bref, de retourner. Mais l'être humain va réussir à le faire, d'ailleurs il a déjà réussi, mais c'est parce que présentement, nous, on fait partie de la mémoire, alors on fait partie des vestiges. L'être humain, lorsqu'il aura réussi à résorber, à revenir vers le centre source, il ramènera avec lui tout ce qu'il aura mémorisé, donc tout ce qui fait office de matière et de corps vital. Lorsque l'être humain sera retourné vers le centre source, il aura en même temps ramené avec lui le temps. Donc, le temps n'existera plus, pas en termes d'expression dimensionnelle. Il y a 13 dimensions qui sont présentement exprimées sous forme de 4 dimensions que l'on connaît, la hauteur, la largeur, l'épaisseur et le temps. Lorsque l'être humain aura fini cela, tout cela aura été résorbé, et parce que cela aura été résorbé, il n'y aura plus de temps, donc la création n'aura jamais existé. Bon. Alors. Tu parles, bon, les êtres humains, est-ce que si on fait abstraction qu'il y a un être humain ou des êtres humains, la conscience, finalement, c'est ce qui est en dehors de la création? C'est pas là puis c'est là? La conscience est dans la création présentement, mais elle n'est pas dans le contexte des quatre dimensions. La conscience, une mécanique intemporelle, prépersonnelle, je peux t'en donner plein de choses. Donc, Mais c'est qu'elle... Elle, oui, mais elle est là sans finalement... elle peut pas être là, c'est que pour être là, elle doit se servir de quelque chose qui n'est pas elle pour s'exprimer ou pour faire un job. Ben, disons, faire un travail de résorption de la création, non. Ça. Mais ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que c'est la conscience ou ma conscience? Si j'enlève l'ego, est-ce que ça finit par un, l'autre côté? L'autre côté, est-ce que ça finit un ou on est plusieurs? Bon, pourquoi la conscience, juste avant? Est-ce que c'est votre conscience ou si c'est la conscience? Est-ce qu'on a le droit à ce que je suis une entité à part un petit peu? Ben non, si je suis pas lié à être pogné avec lui. Bon, c'est toi. Bon. Oui, toi aussi. Si. Le rôle, la conscience a besoin d'un corps physique. Pourquoi? Parce que la conscience ne peut pas... Il doit y avoir un éclatement au niveau des quatre dimensions qui sont présentement accessibles à l'être humain planétaire. Avant la Renaissance, l'être humain avait accès à trois dimensions. Il vivait dans un contexte quadridimensionnel au niveau de la matière, mais sa conscience était tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il avait le temps, il avait la hauteur, il avait la largeur, mais sa conscience excluait la profondeur, l'épaisseur. Alors, on peut le voir dans les dessins qu'il faisait, les dessins étaient toujours à plat. Donc, nécessairement, les philosophies n'étaient pas quadridimensionnelles, les philosophies étaient tridimensionnelles, et tout était relativement aplati. Quand l'humain a subitement eu un éclatement dans sa conscience au niveau des corps physiques, il a pu rajouter une profondeur. Donc, il a pu maintenant nuancer ses propos, nuancer ses philosophies, nuancer ses dessins. Il a pu changer les choses. La conscience, elle descend dans le corps physique et à un moment donné, elle va créer une expansion des véhicules qui va permettre, et ça c'est en train de se faire, ce qui fait partie de ce que les ésotéristes appellent la cinquième race mère. La sixième race mère, la cinquième c'est la blanche, un autre. Puis quand je parle de blanche, on ne parle pas cutanée, on parle neuronique. Et lorsque la conscience tripote le corps physique, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que le corps physique va être additionné, incrémenté d'un nouveau véhicule, qui va être un véhicule supramental, le double éthérique. Et à partir de ce moment donné-là, l'être humain aura accès à de l'instantanéité, donc à de l'intemporalité. Et là, il y aura un contact permanent et vraiment puissant, plaisant, agréable entre vous en tant qu'être réel, donc entre la conscience, l'intelligence, et les véhicules planétaires. À partir de là, vous ne souffrez plus. À partir de là, vous n'avez plus à travailler. À partir de là, vous n'avez plus... Bref, ce que le Nazaréen a promis à l'homme, c'est ce qui arriverait là. Tu n'as pas besoin de rien demander, tu l'auras déjà, tu auras en abondance. Bon. La conscience a donc besoin des véhicules physiques de façon à être capable de créer un contact entre là où il y a du temps et là où il n'y a pas de temps. Après ça, le reste de l'explication, ça fait partie plus du séminaire ou des conférences régulières, réservées séminaristes. C'est, de toute façon, on va carrément échapper au sujet de la conférence de ce soir. Maintenant, est-ce que ta conscience aussi a la conscience? Est-ce qu'on fait partie d'un gros bonbon? Bien là, on a tous des petits bonbons, c'est correct. Là, on a la capacité de descendre. Est-ce que ça serait réel de dire que le double éthérique, c'est la dernière forme de conscience qui a une certaine individualité, mais après ça, ça se perd? Moi, ce que j'aime, c'est sa face, quand il dit ça. Il y a pas... Après ça, ça se perd. C'est parce que je me perds aussi quand je le dis, là. Il n'y a pas des consciences. Il y a un état de conscience. Pour faciliter, on va dire, il y a une conscience. Mais est-ce que ça se peut qu'il y a différentes facettes? Bon, est-ce que c'est réel de dire qu'il peut y avoir différentes facettes de cette conscience-là? Voyez-vous, le gros problème de l'être humain, c'est qu'il a peur. Peur de quoi? Peur. Peur de ne plus être là? Peur. De tout. Il a peur. Il a peur. Égoïquement. Pas au niveau de la réalité. OK, mais l'être humain, quand on parle de double éthérique, là, l'être humain, il... Oui, la peur n'existe plus. Toi qui parles, l'être humain planétaire a peur. Okay. Pour sécuriser l'être humain planétaire, on doit lui dire « Vous êtes des êtres uniques. » Et c'est vrai. Mais ce n'est pas absolu. On doit dire « Vous avez une conscience. » C'est vrai. Ce n'est pas absolu. Conscience astrale. Vous devez développer votre conscience. Traduisons-le d'une façon consciente. Ça serait, vous devez développer le contact avec la conscience. Mais là, on parle à l'ego. Toi, les véhicules planétaires, tu dois développer le contact avec ton être qui t'a créé. Avec toi, qui a créé l'expérience. L'être humain a peur parce que si je dis, on est tous des individus présentement et on tient à rester des individus. L'être humain a extrêmement peur de la mort parce qu'il sait inconsciemment que sans le corps physique, ce qu'il est lui en tant qu'individu, en tant qu'entité propre, va être dissout dans le monde de la mort. Donc, il ne sera plus rien de particulier. Il va être de la mémoire, il va être des composantes de corps, mais il ne sera plus une entité, inconsciemment. Et là, l'être humain va se créer des contextes où il va se faire croire que ce n'est pas ça qui va arriver. On va en parler dans la prochaine conférence. L'être humain a peur. Et si je te dis que la conscience avant la naissance, c'est un phénomène qui est absolu, et c'est ce même phénomène-là qui descend chez les hommes, les femmes, les enfants, ici, chez toi. Autrement dit, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'absolue totalité, c'est mal dit parce que c'est infini, l'absolue totalité de la conscience t'habite. Et l'absolue totalité de la conscience l'habite lui. Et ça, l'être humain aura de la difficulté un peu à le saisir, ou du moins à le supporter psychologiquement. Parce que la totalité, ça vous habite. Mais pas collectivement, individuellement. Est-ce que ça habite l'humain ou ça peut l'habiter? Quand je dis ça habite, c'est totalement centré sur le contact avec tes véhicules planétaires, donc avec toi. Toi en tant qu'être humain, pas en tant qu'être absolu. Ou il y a une grosse... Ou c'est compliqué, c'est simple. C'est que nous avons un ego, nous avons de la mémoire, et à travers l'expérience, on s'identifie à notre expérience. À un moment donné, on rencontre des pilotes d'avion, et puis là, on rencontre un pilote. Et puis là, on va dire, les pilotes d'avion sont tous des imbéciles. Mais la personne qui est pilote d'avion va se sentir visée. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie à son expérience. Et de quoi parlent les camionneurs lorsqu'ils se rencontrent? Le camion. Ça fait partie d'eux autres, c'est eux autres. Et c'est comme ça. Les gars parlent de gars, les gars parlent de filles, les filles parlent de gars, les filles parlent de gars, c'est ça. Même chose, c'est Grégor. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans le contexte planétaire, s'identifie à sa mémoire. Et là où ça crée le problème, et c'est ce qui a perturbé la compréhension des personnes qui ont évolué et qui se sont conscientisées à un moment donné, c'est que nous sommes... Il y a un acteur dans vos corps, et cet acteur-là, c'est l'ego. Et cet ego-là se prend pour vous. Mais le problème, c'est que vous n'êtes... Les corps ne sont pas encore assez réchauffés. Il y a des mutations neuroniques, il y a des cellularisations qui viennent. Et plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain accède à l'information neuve, et non pas à un remorchage de vieux, plus l'être humain mute son système neuroendocrinien, et plus il va finir par se séparer, donc par discerner. Mais en attendant, ce qui arrive, c'est que l'ego, l'acteur, joue tellement bien le rôle que quelque part où il y a le contact entre vous en tant qu'intelligence et l'acteur en tant que mémoire d'intelligence, le contact est tellement faible qu'on ne sait plus qui parle. Alors, à un moment donné, je dis, là, j'en ai ras-le-bol. Mais est-ce que c'est vous qui avez parlé ou si c'est vous qui avez parlé? Est-ce que c'est le vous astral? Le vous planétaire, le vous réincarnationnel, le vous ressuscité, ou si c'est vous en tant que conscience? L'ego, quand elle se voit, elle ne se prend pas pour la conscience, elle est sûre qu'elle est... C'est un ego féminin. Je vais parler de mon ego. L'ego, quand il se voit? Quand je suis l'ego, je suis certain d'être l'ego. Je vois, puis je suis sûr que c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est des facettes de l'ego qui jouent. Mais quand tu es la conscience, que tu es sûr d'être la conscience, tu peux très facilement être encore de l'ego. C'est ce discernement-là que l'humain doit finir par acquérir. Quand vous êtes au la conscience ne doit pas s'interroger, elle ne doit même pas se demander qu'est-ce qu'elle lit ou qu'est-ce qu'elle fait ou quelle heure qu'elle se lève. C'est ça. Quand tu es toi-même, tu sais, tu n'as pas de doute, tu n'as pas de crainte. Ça ne dure pas longtemps parce que l'acteur prend le dessus tout de suite. Et continuellement, l'être humain, pourquoi l'être humain a été souvent leurré dans son cheminement, et c'est explicable, puis c'est intelligent, mais c'est le problème présentement au niveau du discernement, c'est que l'être humain a tellement été leurré à cause que l'acteur, il ne peut pas discerner, ce qui fait qu'à un moment donné, tout son cheminement spirituel, évolutif, ascensionnel, est basé sur l'acteur. Alors que l'acteur, lui, il ne s'en sortira pas. Mais c'est... C'est pas lui qui est important. Quand... C'est pourquoi, à un moment donné, l'être humain va dire, « Oui, mais là, lui, il est venu au monde handicapé. T'sais, Dieu est injuste. C'est pas le corps physique l'important. Oui, mais il souffre là-dedans. C'est faux, c'est toi qui souffres de le voir comme ça, puis tu t'imagines que tu souffrirais d'être dedans. Oh, mais il y a toujours bien quelqu'un qui souffre quelque part. L'humain souffre, mais l'humain, c'est l'acteur qui souffre. Pourquoi? Parce que l'acteur ne peut pas comprendre ces mécaniques-là. L'acteur a une vision non-britique. L'acteur a une conscience mémorielle très locale. Ah, mais il souffre pareil. La souffrance est une illusion. Ah, mais ça fait mal quand même. Oui. La souffrance, par définition, est intelligente. Et la souffrance, c'est le refus d'accepter une transformation, un changement. C'est la souffrance. Alors, quelqu'un meurt, tu souffres. Oui, tu n'acceptes pas. Tu perds un bras, tu souffres. Physiquement, le corps refuse, et évidemment, psychologiquement, tu refuses aussi. OK, tu veux dire de décrocher de l'événement ou est-ce que l'observer d'une façon différente? Quand c'est toi, tu ne souffres pas. Quand vous êtes vous autres, vous-même, mais c'est au ça. Niveau absolu, il pleut, c'est beau. Il neige, c'est beau. C'est pas beau émotivement. Vous nourrissez. Vous êtes capable d'être en harmonie, en communion avec l'événementiel. Vous voyez n'importe quoi, vous entendez, il n'y a pas de problème. Il y a encore beaucoup de l'acteur et de l'actrice qui jouent à travers vous, là. Vous n'êtes pas pur, mais là, vous êtes là. À un moment donné, il va arriver quelque chose qui va... quelqu'un qui vous frappe, et ça va vous déstabiliser, ça va vous décentrer de votre conscience. Et pourquoi? Parce que ça vient heurter l'ego, et l'ego prend plus de puissance, donc domine. Puis là, vous commencez à... Là, vous venez de tomber. Exactement comme les personnes qui, à un moment donné, se couchent pour relaxer puis pour méditer. Puis là, c'est le téléphone seul, là, ben là, ça grève au plafond de vitesse, là. Là, tu viens de briser mes énergies, etc. C'est tout dit d'une façon spirituelle. Mais qu'est-ce que la personne veut communiquer? Parce que l'être humain ne dit jamais la vérité ou la réalité. Mais dans ce qu'il dit, il y a toujours des grands morceaux de réalité, de vérité. Les religions ne mentent pas, mais elles ne disent pas tout. L'être humain, dans ce qu'il dit, il ment rarement, mais il ne dit pas tout, c'est clair. Alors, oui, mais là, tu viens de briser mes énergies. Tu viens d'altérer une structure, une sphère énergétique qui vient de me couper avec moi ce que j'étais. Et là, c'est l'acteur qui charge. Parce que l'acteur est toujours convaincu que le « je », c'est lui, que le « moi », c'est lui, et que moi, je veux entrer en contact avec ma conscience. Je veux entrer en contact avec Dieu, avec mon Dieu, avec mon Père. Je veux entrer en contact avec le cosmos. Ouais, mais c'est mon cosmos, parce que tu vois ça. Juste identifier l'identité. Entrez chez vous, si vous êtes comme ça, ou quelque part. Les gens prient le cosmos. Et là, dites le cosmos, là, ça pue. Vous allez voir, hey! Oui, il s'identifie encore à des choses. Alors que si tu es toi, le cosmos, ça pue. C'est une illusion. Ça balance. Ça pue. Ça pue. Toi, c'est pas des nez. C'est là, toi, le nez. Ça ne pluera plus. Quand il y a la conscience qui est là, quand tu disais, ça ne dure pas longtemps, mais c'est là, à un moment donné, que tu sais, et puis tout le reste, là. Quand ça, c'est vécu, c'est comme si c'est semblable à la mort d'un point de vue égoïste. C'est comme s'il n'y a plus rien. Non, la mort, parce que, on va en reparler, mais... La mort, il y a plusieurs morts. Mais c'est comme un vide. L'être humain, c'est génial. C'est génial comment on est bâti. Hein? On peut mourir tous les jours on meurt un petit peu. On revient, on est mort, on revient, on est mort, t'es malheureux, c'est tout franche, t'es mort présentement, t'es pas vivant, t'es pas conscient. Il y a aussi d'autres formes de mort. Il y a une partie de l'ego, quand l'ego oublie, c'est une partie qui meurt. Bon, les personnes disent, ah, lui, il est mort, mais il ne mourra jamais dans notre mémoire. Mais si tu l'oublies, puis il est mort, c'est dans ta mémoire. Il y a la mort du corps physique, il y a la mort du corps vital, il y a la mort du corps astral, il y a la mort du corps mental. Il est mort, on va prendre la prochaine. On a la conscience après. Après la mort? Oui. La mort du corps physique, ce coup-là? Oui. Donc, il y a une pause de quelques minutes. J'aimerais vous mentionner qu'il y a des personnes d'entre vous qui sont en auto, à un ou deux personnes par voiture. Il y en a d'autres qui sont en autobus, puis vous retournez tous dans la même direction souvent, à Montréal. Fait que s'il y en a qui ont une voiture et qui souhaiteraient donner une occasion à quelqu'un qui est en autobus, vous pouvez l'identifier à la table en avant. Je suis sûr que ça vous fera des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. À tantôt.